إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إخوتي الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Donc nous continuons l'explication en langue française du livre intitulé A'lam Sunnati al-Manshura, le Cheikh al-Allama Hafiz ibn Ahmad al-Hakami rahimahullah ta'ala. Donc la semaine passée, on s'était arrêté à la question numéro 82. On avait commencé la réponse et on ne l'avait pas terminé. Donc aujourd'hui, Inch'Allah, on va terminer cette réponse, bi'idhnillah. Tout d'abord, le cheikh, pour comprendre bien la question, le cheikh, dans la question numéro 82, ou dans le numéro 81, c'est la question qui est avant elle, il nous avait demandé quel était le droit du Coran envers cette communauté. C'est-à-dire, quel était le droit qu'avait le Coran envers cette communauté, c'est-à-dire par rapport aux musulmans. Qu'est-ce que le musulman doit faire par rapport à ce livre ? Donc le shir, en fait, il nous l'avait expliqué, il nous avait dit c'était le fait de le suivre de manière intérieure et de manière extérieure. وَقَالَ وَالتَّمَسُّكُ بِهِ وَالْقِيَامُ بِحَقِّهِ وَالتَّمَسُّكُ بِهِ وَالْقِيَامُ بِحَقِّهِ. Donc il avait apporté le shir des preuves par rapport à cela, c'est-à-dire le comportement que le musulman a envers le Coran. Donc il avait apporté des preuves par rapport à ces termes-là. Et ensuite, dans la question 82, il va en fait expliquer ces termes. Il va expliquer et principalement ces deux termes qui sont atamassuku bihi ou al-qiyamu bihaqqihi. Donc il dit le shir, pour reprendre la question, dans la question donc, numéro 82, il dit le shir rahimullah ta'ala, ma ma'na atamassuk bil kitabi wal qiyami bihaqqihi. Ma ma'na atamassuki bil kitabi wal qiyami bihaqqihi. C'est-à-dire, quelle est la signification de ce terme atamassuk bil kitab wal qiyamu bihaqqihi? Quelle est la signification en fait de ce terme? Donc on avait dit qu'atamassouk au niveau de la langue, on traduisait par le fait de s'accrocher au livre, ou al-qiyam bihaqqi, c'est-à-dire le fait d'accomplir le droit ou d'accomplir le devoir que l'on a, que chaque musulman doit avoir envers le livre d'Allah azawajal, envers le Coran. Donc on a vu en fait que ça c'était en fait la traduction que l'on donnait. Mais ensuite le shir donc il nous avait détaillé qu'est-ce que veut dire en fait ces deux termes. Qu'est-ce que veulent dire ces deux termes? Donc il nous avait dit dans un premier temps, pour reprendre là, donc on va relire la réponse inshallah, et ensuite on va passer à l'explication. فقال الشيخ رحمه الله تعالى جوابا عن هذا السؤال حفظه وتلاوته والقيام به آن الليل والنهار والانقياد لأوامره والانزجار بزواجره والاعتبار بأمثاله والاتعاب بقصصه والعمل بمحكامه والتسليم لمتشابه والوقوف عند حدوده وينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبتلين والنصيحة له بكل معانيها والدعوة إلى ذلك على بصيرة على بصيرة. Donc en fait ça c'était l'explication du Cheikh rahimahullah ta'ala. Donc on avait dit le premier point, c'était apprendre le Coran par cœur. Ça, c'est ma'na at-tamassuku bil kitab wal qiyam bi haqqihi. La première chose, c'est apprendre le livre d'Allah azawajal. Et donc, quand on dit apprendre, c'est en fait l'apprendre par cœur. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est le lire. At-tilawa. C'est donc le lire. Et c'est le lire le plus possible. Wal qiyam bihi ana al-layli wa an-nahar. C'est-à-dire prier en récitant les versets du Coran aux extrémités de la nuit et du jour. C'est-à-dire à tout moment. وَتَدَبُّرْ آيَاتِهِ, c'est-à-dire contempler, réfléchir sur ces versets. C'est-à-dire non seulement lorsqu'on apprend le Coran, il faut aussi savoir les significations du Coran. C'est-à-dire se concentrer, réfléchir sur les significations des versets du Coran. Et nous avait dit aussi le shir rend licite ce qu'il autorise. C'est-à-dire tout ce qu'Allah Azza wa Jalla rend licite à travers son livre, nous devons l'autoriser, donc le rendre également licite. Et interdire, et donc le contraire de cela, interdire ce qu'il interdit. C'est-à-dire tout ce qu'Allah Azzawajal interdit dans son livre, nous devons aussi l'interdire. Nous devons l'interdire sur nous-mêmes et nous devons l'interdire par rapport aux personnes qui sont sous notre responsabilité. Et il a dit aussi au Shir, le Shir, rahimallah, obéir aux ordres qui sont dans ce livre, c'est-à-dire les ordres que contient ce livre. C'est obéir donc aux ordres et repousser, s'écarter de tout ce qui nous avertit de s'en écarter. Et aussi prendre compte et tirer profit des exemples et des récits qui sont présents dans ce livre. C'est-à-dire que le Coran regorge en fait de ce qu'on appelle le qissas, c'est-à-dire des récits, que ce soit des récits des prophètes, des récits des communautés qui nous ont précédés. Et ces récits-là, Allah Azzawajal, lorsqu'il nous les rapporte dans son livre, c'est qu'il y a en fait une hikmah, une sagesse. Et cette sagesse, c'est en fait d'en tirer profit, de tirer profit de ces récits. Donc ça rentre aussi dans le terme « Atamassuku bil kitabi wal qiyamu bihaqqihi ». Taïb. Ensuite, on s'était arrêté donc à ce point-là. On s'était arrêté à ce point-là le cours dernier. Lorsque le shir nous dit « Wal-amalu bi-muhkamihi wa-taslimu li-mutashabihi » Al-amalu bi-muhkamihi wa-taslimu li-mutashabihi. Donc on avait dit que la semaine dernière qu'on allait expliquer en fait cette expression. L'expression que nous dit le shir, et en fait qu'est-ce qu'il veut dire à travers en fait ces termes-là. Donc on avait dit de façon générale la semaine dernière qu'en fait dans le livre d'Allah Azzawajal, fil Qur'an, dans le Coran, il y a en fait deux catégories de versets. Il y a deux catégories de versets. Donc le verset que l'on dit muhkam et le verset que l'on dit mutashabi. Donc j'ai fait exprès de ne pas traduire directement les expressions. Pourquoi ? Parce qu'en fait on va maintenant voir en détail qu'est-ce que veut dire en fait ces deux, ou quelle est la signification de ces deux catégories de versets. Et on va voir également que connaître en fait ces catégories de versets et savoir et comment nous devons comprendre ces catégories de versets et la relation qu'il y a entre eux est une chose très importante. Et on avait dit que c'était une des clés pour comprendre en fait le Coran et pour comprendre de façon plus générale les preuves de la charia, c'est-à-dire les preuves qui sont tirées du Coran et de la Sunna. Et ça va nous permettre également de mettre en évidence et de mettre en valeur le minhaj salaf, c'est-à-dire wa minhaj al-sunnati wal-jama'a, c'est-à-dire la méthodologie employée par rapport à ces catégories de versets de par les salaf, c'est-à-dire les pieux prédécesseurs, et de façon ou de même des gens de la Sunna et du consensus. Donc qu'est-ce que veut dire le terme muhkam et le terme mutashabi? Donc on a dit qu'il y avait deux catégories de versets. Dans un premier temps, il faut savoir que Allah Azzawajal, dans son livre, nous a cité en fait ces deux catégories. C'est-à-dire que ces deux catégories nous sont citées par qui? Par Allah Azzawajal de façon directe dans son livre. C'est en fait la sourate que je vais maintenant vous citer en langue arabe et ensuite on verra la traduction pour en fait comprendre plus qu'est-ce que كتبها بعضا في الإعجاز والصدق والعدل والحسن. C'est-à-dire que maintenant Allah Azza wa Jal il reprend le terme mutashabi, le terme mutashabi, kitaban mutashabi, et donc en fait il qualifie son livre comme tel. Donc quelle est la signification ici? Donc c'est une signification qui va être générale. Ils se ressemblent, c'est-à-dire les versets du Coran, tous les versets du Coran, ils se ressemblent les uns aux autres en ce qui concerne leur perfection. Ou ce qu'ils comprennent comme miracle, en ce qui concerne leur véracité et en ce qui concerne leur beauté. Donc voilà pour ce qui est du terme muhkam et du terme mutashabi de façon générale, c'est-à-dire de manière générale. Et on voit en fait que ces deux termes maintenant vont être utilisés pour désigner tous les versets du Coran, suivant donc la signification que l'on a donnée, qui est une signification qui est suivant un aspect qui est dit général et global. Et donc maintenant on va voir en fait l'aspect qui va être considéré comme plus particulier. Et c'est là en fait qu'il va en fait avoir la différence, ou qu'on va dire que les versets du Coran sont de deux catégories. Et on va voir donc comment, par la suite, on va voir comment les gens de la Sunna et du consensus en fait ont la méthodologie utilisée pour comprendre en fait et pour utiliser ces deux types ou ces deux catégories de versets. Et on verra aussi la méthodologie des gens de l'innovation en donnant des exemples, comment eux en fait ils prennent comme méthodologie, quelle est leur méthodologie dans ce qui est de l'utilisation de ces deux types de versets. Donc Al-Muhkam, maintenant on va voir Al-Muhkam. Donc maintenant c'est Bil-Irtibar Al-Khas Nisbi, c'est-à-dire suivant un aspect particulier et relatif. Et c'est là en fait qu'il va avoir donc la division des versets du Coran en deux catégories. Et c'est donc ici donc la signification du premier verset qu'on a cité, du premier verset que l'on a cité au tout début, qui nous prouvait en fait la Al-Wujud, c'est-à-dire qui nous prouvait qu'il y avait deux sortes de catégories ou deux sortes de versets. Donc Al-Muhkam, qu'est-ce qu'Al-Muhkam? Al-Mukhtar, Al-Muhkam ou Al-Muttabih Al-Ma'na, Al-Muqarrir Li-Usul Al-Din Wa Qawa'idi. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc parmi les gens, parmi les salafs, parmi les pieux prédécesseurs, il y a eu certaines divergences au niveau de l'explication du terme Al-Muhkam ou Al-Ayatul Muhkamat, donc les versets qui sont dits Muhkam. Il y a eu de petites divergences mais qui n'ont pas d'influence, qui reviennent tous en fait à la même signification. Et c'est pour ça que les savants disent de façon générale le terme Al-Muhkam est ce qui est évident et très clair quant à son sens. C'est-à-dire le verset qui est évident et très clair quant à son sens et qui comprend des bases de la religion et de ses règles, ou qui pose, qui établit des bases de la religion et les règles de la religion. Donc ça c'est Ma'na Al-Muhkam. Ça c'est la signification du terme ou de cette catégorie de versets que l'on dit Al-Muhkamat ou Al-Muhkam. C'est ce qui est évident et très clair quant à son sens et qui comprend des bases ou qui pose et établit des bases de la religion et c'est les règles de la religion et les règles de la religion. Donc ça c'est Al-Muhkam. Ça c'est la première catégorie des versets du Coran. Ensuite la deuxième catégorie Al-Mutashabih. Al-Mutashabih. Et donc quelle est la signification du terme Al-Mutashabih par rapport à la signification ou par rapport à un aspect qui est particulier relatif comme on l'a dit? Wal-Muhtam Al-Ma'nayayn Ahadumma Sahihun Yuafiq Al-Muhkam Yuafiq Al-Muhkam Wal-Thani Fasidun Yunaqibuhu Fasidun Yunaqibuhu. C'est-à-dire que maintenant Ma'na Al-Mutashabih c'est celui qui tend à être compris suivant deux sens différents. C'est le verset qui tend à être compris suivant deux sens différents. C'est-à-dire qu'au moment où on va lire ce verset, il va en fait, on peut comprendre de ce verset deux sens. On peut comprendre deux sens. Maintenant, les deux sens qui vont être compris. Le premier sens est celui qui va être en fait en accord avec le muhkam, qui va être en accord avec le verset qui est dit, comme il est traduit, le verset qui est dit clair, qui est dit évident et très clair quant à son sens. Donc c'est celui qui est en accord avec le verset qui est dit muhkam. Ça c'est le premier sens. Et le deuxième sens, c'est celui qui est non valable et qui contredit en fait le verset qui est dit muhkam. Donc on voit que c'est une sorte de verset qui tend à être compris suivant deux sens différents. Le premier sens qui va être en fait en accord avec le muhkam, et c'est comme cela qu'il faut que l'on comprenne. Et ensuite le deuxième sens est celui qui est non valable et qui contredit al-muhkam, qui contredit en fait le verset qui est clair, les versets qui sont la catégorie de versets qui sont clairs. Donc voilà pour ce qui est de la définition de ces deux catégories et pour ce qui est de la signification même de ces deux catégories. Et donc par rapport à ça même, lorsque maintenant on a compris la différence entre ces deux sortes de versets, comment on doit en fait c'est-à-dire comment on doit agir par rapport et comment on doit comprendre ces deux sortes de versets. Donc en fait tariqatu salaf, tariqatu ahli sunnati wal jama'ah, c'est-à-dire la méthodologie et la voie des gens des plus prédécesseurs et des gens de la sunna et du consensus par rapport à ces deux sortes de versets, c'est radd al mutashabih ila al muhkam, radd al mutashabih ila al muhkam. C'est ça en fait la méthodologie des gens de la sunna et du consensus. Ça c'est la méthodologie des gens de la sunna et du consensus. Raddul mutashabih ila al-muhkam. C'est-à-dire ramener le verset qui est dit mutashabih, qui comprend en fait deux sens différents qui peut être compris de deux sens différents, il faut le ramener à quoi? La signification du verset qui va être clair, du verset qui va être clair. Donc c'est maintenant, on comprend en fait, lorsque on a expliqué par rapport à le mutashabih, on a dit qu'il y avait deux sens, un premier qui va être en accord avec le murkab et le deuxième qui va être en accord avec ou qui va être en désaccord avec le verset qui est dit être muhkam. Donc en fait, à partir de là, on va comprendre la méthodologie des gens de la sunna, du consensus, par rapport à ces deux sortes, par rapport à ces deux sortes de versets ou ces deux catégories de versets. Et on va prendre un exemple par rapport à ce qu'on a dit. On va prendre un exemple, un seul exemple, parce qu'on ne peut pas trop s'attarder sur cette question. On va prendre, Inch'Allah, un seul exemple. Maintenant, la deuxième méthodologie, on a vu ça, c'est la méthodologie des pieux prédécesseurs, la méthodologie des gens de la sunna et du consensus. Donc maintenant, la deuxième méthodologie, c'est la méthodologie de qui ? Tariqatu al-mubtadi'a, minhaj al-mubtadi'a, c'est-à-dire la voie des innovateurs. Ça, c'est la voie des innovateurs. Comment eux, les innovateurs, ils agissent, et comment eux, ils comprennent en fait ces deux sortes, ces deux catégories de versets. Eux, en fait, qu'est-ce qu'ils font ? Ils prennent le verset qui peut être compris suivant deux sens différents, comme on a dit, al-mutashabih, et en fait, ils prennent de ce verset le verset en fait, ou la signification qui contredit le verset clair et évident, al-muhkam. Donc ça, en fait, ça c'est leur minhaj. Et en fait, maintenant, si on revient au verset qu'on a cité en début du cours, en début de cette question-là, si on revient maintenant, on va voir en fait que c'est expliqué, que Allah Azzawajal nous explique qui sont ces gens, lorsqu'il dit les gens donc qui ont au cœur une inclinaison vers l'égarement. Donc ça, c'est les gens de l'innovation. فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْرٌ, zayr qui est en fait l'inclinaison vers l'égarement, c'est comme ça qu'ils l'ont traduit. Nam, mettre l'accent sur les versets à équivoque, cherchant la dissension en essayant de leur trouver une interprétation, et donc l'interprétation qu'ils vont prendre, c'est l'interprétation qui va être en fait en contradiction avec les versets qui sont dits muhkam, c'est-à-dire les versets clairs et évidents du Coran. Et par là, en fait, ils vont chercher donc la dissension, c'est-à-dire ils vont chercher à diviser les gens, et par là ils vont chercher donc à mettre l'accent sur ce qui n'est pas valable, sur ce qui n'est pas valable. Et donc ça, c'est la méthodologie des gens de l'innovation. L'exemple qu'on va prendre, Allah Azzawajal, dans un des versets du Coran, nous dit, يقول الله عز وجل ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدان فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. Donc ça, le verset suivant, dont les sens de ce verset ont été traduits de la façon suivante, quiconque tue intentionnellement un croyant, sa rétribution alors sera l'enfer, pour y demeurer éternellement. Allah l'a frappé de sa colère, l'a maudit et lui a préparé un énorme châtiment. Ça, c'est en fait des versets, c'est une sorte de verset qui rentre en fait dans la deuxième catégorie, qui sont les versets qui peuvent être compris en fait suivant deux significations, Donc là, quels vont être en fait ces deux sens que l'on peut comprendre du verset? Le premier sens que l'on peut comprendre, et ça en fait, on va retarder cette explication, on va prendre directement le deuxième sens, en fait, c'est-à-dire le sens qui va aller en encontre du verset Al-Muhkam. On va citer en fait le verset qui est dit Muhkam, qui dit clair et évident, et qui en fait, yubayyin, c'est-à-dire qui met en évidence la signification de ce verset. On peut comprendre qu'Allah Azzawajal, lorsqu'il nous dit « Quiconque tue intentionnellement un croyant, sa rétribution alors sera l'enfer pour y demeurer éternellement. » C'est-à-dire la personne, qu'elle soit musulmane ou croyante, qui tue une autre personne, c'est-à-dire qui tue intentionnellement un croyant. Sa rétribution alors sera l'enfer pour y demeurer éternellement. Qu'est-ce qu'on va comprendre donc ? On va comprendre de ce verset, on peut comprendre de ce verset que la personne donc qui va tuer un croyant, va rentrer en enfer et va y demeurer éternellement, comme il nous est dit dans ce verset. Donc ça, c'est clair. Mais ce que l'on peut comprendre, c'est que cette personne, en fait, va en fait sortir de l'islam et va devenir un mécréant. Pourquoi ? Parce que personne de parmi les croyants ne va rester éternellement dans l'enfer. Personne de parmi les croyants ne va rester éternellement dans l'enfer. Alors que ici, Allah Azzawajal nous cite que cette personne-là va rester dans la, pour y demeurer éternellement. Fajazahu jahannam khalidan fiha. Allah l'a frappé de sa colère, l'a maudit, lui a préparé un énorme châtiment. Donc ça, en fait, c'est la signification que l'on peut comprendre, ou le sens que l'on peut comprendre. Et de par là, on peut comprendre donc que la personne, le fait de tuer une personne, bittifaq al-ulama, bittifaq bi-ijma' al-ulama, le fait de tuer une autre personne, le fait que le musulman tue une autre personne, n'est pas en soi une action d'apostasie, c'est-à-dire une action qui fait sortir de l'islam. Une action qui fait sortir de l'islam. Mais par rapport à ça maintenant, qu'est-ce que l'on peut comprendre? On peut comprendre que la personne qui va tuer cette personne, elle va commettre en fait un acte, elle va commettre un acte d'apostasie. Et que cet acte-là, il va être considéré comme minal kabaïr, il est considéré minal kabaïr, c'est-à-dire des grands péchés, il fait partie des grands péchés. Et donc, le fait que cette personne qui a commis un grand péché va demeurer en enfer éternel est considéré comme mutashabih. Donc ils prennent ce verset et ils l'expliquent donc à leur manière, c'est-à-dire qu'ils prennent le sens, le deuxième sens qui n'est pas valable, qu'on va le voir avec le sens du verset qui est dit muhkam. Maintenant donc on va prendre el muhkam, on va prendre en fait le deuxième verset et ensuite on va donc pouvoir comprendre par rapport à ça la première signification de ce verset. Le verset qui est dit muhkam par rapport à cette question là c'est le verset suivant: inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha wa man yushrik billahi faqad dhalla dhalalan ba'ida. C'est-à-dire, et certes Allah ne pardonne pas qu'on lui donne des associés, à part cela il pardonne à qui il veut. Donc par rapport à ce verset qui est clair et qui ne comprend en fait pas de signification et qui ne tend pas à que l'on comprenne de ce verset de signification, c'est un verset qui est clair et évident. Ce verset nous dit que celui qui ne commet pas du shirk, c'est-à-dire de l'associationnisme, du polythéisme, alors celui qui ne commet pas cela, Allah Azzawajal va lui pardonner. Pourquoi? Parce qu'il pardonne à qui il veut. Par contre, la personne qui commet de l'associationnisme, qui commet du polythéisme, alors cette personne, Allah Azzawajal ne lui pardonnera pas. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. C'est-à-dire tout ce qui n'est pas du polythéisme, Allah Azzawajal le pardonne à qui il veut. Donc ça, c'est un verset qui est dit muhkam. C'est un verset clair et évident, un verset qui est dit muhkam. Maintenant, si on revient au premier verset, on voit en fait que le fait de tuer un croyant n'est pas un acte de polythéisme. Bittifaq, c'est-à-dire ce n'est pas un acte de polythéisme. Donc maintenant, par rapport, maintenant qui va être la première signification, on va comprendre en fait de ce verset que celui qui tue une personne qui est croyante, il va être en fait sous la volonté d'Allah Azzawajal. S'il veut, il lui pardonne, et s'il veut, il ne lui pardonne pas. Pourquoi? Et comment les gens de la Sunna ont compris ce verset et comment ils ont appliqué ce verset? Simplement comme il est de leur méthode, Raddul Mutashabih ila al-Muhkam, c'est-à-dire renvoyer le verset qui est dit Mutashabih, qui comprend en fait deux significations, au Muhkam, le verset qui est clair et évident. Donc c'est ce qu'ils ont fait ici pour comprendre en fait le verset. Et donc la deuxième signification, le fait de dire comme eux, ils ont pris la deuxième signification qui va à l'encontre du verset que l'on a dit, « Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi ». La deuxième signification était donc de dire que la personne qui tue un croyant va être donc dans le feu éternellement. Et celui qui est dans le feu éternellement ne peut être qu'un mécréant. Donc le fait que l'on tue un croyant, c'est un acte qui n'est pas considéré comme polythéisme, Donc par rapport à ça, on comprend en fait qu'une personne qui commet un grand péché, et donc le fait de tuer un croyant, ça fait partie des grands péchés, va être en fait un kafir, c'est-à-dire va être un mécréant. Et donc ça, on a dit que ça, c'était la croyance des gens, ou la croyance de ces sectes que l'on dit al-khawarij, Donc c'est eux, ils ont compris par rapport à ça, la deuxième signification qui allait en encontre du deuxième verset qu'on a cité, Inna Allah la yaghfiru an yushraka, certes Allah ne pardonne pas qu'on lui donne des associés, à part cela il pardonne à qui il veut. Donc eux ils ont contredit en fait ce verset en allant avec en prenant la deuxième signification. Donc en fait ça c'est un exemple de la règle que l'on a dit auparavant. Et ils utilisent aussi, ça c'est valable pour les versets, ils utilisent aussi des hadiths. Par exemple, ils prennent le hadith ma'ruf de Abu Huraira. يقول قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ولا يشرب الخمر حين يشرب وهو مؤمن الى اخر. وهذا حديث متفق عليه, c'est-à-dire rapporté par l'imam Muslim et l'imam al-Bukhari, c'est-à-dire que لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن, c'est-à-dire que la personne qui commet le zina, c'est-à-dire qui commet l'adultère, au moment où il commet l'adultère n'est pas un croyant. Au moment où il commet l'adultère n'est pas un croyant. Donc, par rapport à ça, au moment où il va commettre l'adultère, il n'est pas un croyant. Qu'est-ce qu'on va comprendre de ce hadith? On peut comprendre deux choses. On peut comprendre soit que, comme l'ont compris les gens de la sunna et du consensus, la foi c'est comme si en fait elle se retirait d'elle et puis elle revient à lui. Ça c'est une des significations qui est donnée pour ce hadith. Il y a d'autres significations des gens de la sunna et du consensus. Ou comprendre ce hadith comme l'ont compris Al-Khawarij. Comme l'ont compris qui? Al-Khawarij, lorsqu'ils ont dit qu'en fait ça c'était une preuve pour dire que Al-Zina, ça fait partie des kabaïr, comme Qatl al-Nafs, c'est-à-dire le fait de tuer le croyant ou de tuer une autre personne dont l'âme est interdite. Donc le zina c'est pareil, ça fait partie de la même catégorie, ça fait partie des grands péchés et ça ne fait pas partie de l'associationnisme. Donc ils prennent ce hadith pour dire en fait que celui qui crée ou qui fait un grand péché est un mécréant, c'est-à-dire est un mécréant et il sort de l'islam. Comme on pourrait le comprendre, je dis bien comme on pourrait le comprendre de ce hadith et comme on aurait pu le comprendre du verset. Non seulement il y avait deux significations, et la première signification c'est celle qu'ont pris les gens de la sunna et du consensus et qui l'ont ramené au verset qui est dit muhkam inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Allah Azza wa Jal ne pardonne pas qu'on lui donne des associés, à part cela il pardonne à qui il veut, c'est-à-dire celui qui fait al-kaba'ir, celui qui fait des grands péchés, il va être sous la volonté d'Allah Azza wa Jal, s'il veut lui pardonne et s'il veut il ne lui pardonne pas. Et ça c'est la croyance des gens de la sunna et du consensus pour ce qui est de cette question, et donc ça va donc à l'encontre des gens ou de cette secte que l'on dit al-khawarij. Et ça en fait c'est une méthodologie utilisée par les gens de l'innovation dans tous les textes. On voit en fait qu'ils viennent avec ce qu'on appelle certains versets ou qu'ils viennent avec certains hadiths, donc ils viennent avec des preuves. Ils ne viennent pas les mains vides, ils viennent avec des preuves. Mais ces preuves-là, ils le comprennent suivant leur compréhension qui va être à l'encontre des versets clairs et évidents du Coran, comme on l'a expliqué, comme on a donné l'exemple. Donc en fait, c'est ce qu'a voulu dire le shir, wa l'amalu bi muhkami wa tasli wa taslimu li mutashabihi. Donc en fait, c'est l'explication que l'on donnait pour comprendre en fait l'explication du shir. Et c'est donc en fait ma'na tamassuk. Ça rentre aussi dans le fait de suivre, de s'accrocher au livre et de le comprendre comme il se doit, de le comprendre comme il se doit. Ensuite, le shir a donc fini en fait d'expliquer wal-wuquf 'inda hududi, c'est-à-dire de s'arrêter aux limites d'Allah Azza wa Jalla, c'est-à-dire aux limites qui sont présentes dans ce livre, c'est-à-dire ne pas dépasser les limites d'Allah Azza wa Jalla, les limites qui sont propres au livre d'Allah Azza wa Jalla, c'est-à-dire ne pas les dépasser, s'arrêter aux limites que l'on trouve dans le Coran, wal-wuquf 'inda hududi. Donc il refute aussi toute altération qui provient de ceux qui ont été loin dans l'égarement, des personnes qui vont loin dans l'égarement et qui tentent d'altérer le Coran suivant leur passion. Le droit que l'on doit avoir par rapport au Coran, c'est de réfuter toutes ces choses-là. Et aussi, il y a aussi de donner conseil pour ce livre, le conseil pour ce livre. Et ça, en fait, on l'avait expliqué aussi de façon détaillée dans les cours du mardi, lorsqu'on explique le livre Bahjatul Qulub al-Abrar, lorsqu'on s'était arrêté au hadith Ad-Din al-Nasiha, et on avait expliqué de façon détaillée qu'est-ce que voulait dire Al-Nasihatul Kitab Illah, c'est-à-dire le conseil pour ce livre, et tout ce que cela comprend de signification. Il nous dit le shir, le conseil pour ce livre, et tout ce que cela comprend de signification. Et ensuite il nous dit appeler à ce livre avec science, c'est-à-dire on fait le prêche par rapport au livre d'Allah Azza wa Jal avec bishart, c'est-à-dire avec une condition, comme nous dit le shir, ala basira, wal basira c'est la science, al-ilm huwa al-basira, al-ilm qui est en fait la science. Donc voilà pour ce qui est de cette question. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.